Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. غادي نشوفوا بعض الأشياء. قل لي فين كاينين. غادي نشوفوا بعض الأشياء. قل لي فين كاينين. Montrez-moi où est l'enveloppe. فينا هو الجوا. فينا هو الجوا. Montrez-moi où est la clé. فينا هو المفتاح. فينا هو المفتاح. Montrez-moi où est le rasoir. فينا هي ماكينة الحسانة. فينا هي ماكينة الحسانة. Montrez-moi où est le verre. فينا هو الكاس. فينا هو الكاس. Montrez-moi où est le crayon. فينا هو القلم. فينا هو القلم. Montrez-moi où est le téléphone. فينا هو التليفون. فينا هو التليفون. Montrez-moi où est la montre. فينا هي الساعة. فينا هي الساعة. Montrez-moi où sont les ciseaux. فينا هو المقص. فينا هو المقص. Montrez-moi où est le peigne. فينا هي المشطة. فينا هي المشطة. Montrez-moi où sont les lunettes. فينا هما النظار. فينا هما النظار.